Scheherazade. La mort occupe une grande place dans À la recherche du temps perdu. Tout d'abord parce qu'elle menace le roman en lui-même. C'est contre la mort que Marcel Proust se bat entre 1913 et 1922. Malade, il doit se presser de terminer son livre avant que la vie ne l'abandonne. Celle que nous pressons, dont nous soupçonnons qu'elle est sur le point de nous trahir, c'est la vie elle-même. Et malgré que nous la sentions plus la même, nous croyons encore en elle. Nous demeurons en tout cas dans le doute, jusqu'au jour qu'elle nous a enfin abandonnés. Pour le narrateur de la recherche, le mourant est semblable à un homme qui s'obstine à aimer une femme pourtant résolue à l'abandonner. Tant qu'il n'est pas au pied du mur, il ne peut l'accepter. Comment se manifeste ce refus? Par la parole. Après l'agonie et le décès de sa grand-mère, le narrateur de la recherche reçoit la visite d'Albertine. Il désire embrasser la jeune femme, mais n'ose le faire. Elle risque pourtant de partir. Il faut la retenir. Faute d'oser l'embrasser, le narrateur se met alors à lui parler sans interruption. Le temps presse et pourtant il semble qu'on veuille gagner du temps en parlant de sujets absolument étrangers à celui qui nous préoccupe. Parler permet de retenir près de soi celle qu'on aime. Cette croyance prend sa source au tout début de la recherche, lorsque le narrateur, enfant, réussit à faire en sorte que sa mère vienne lui donner un baiser avant de s'endormir. Le père désapprouve ses enfantillages, mais la mère finit par céder et reste dans la chambre de son fils, où elle lui lit François le Champy. Le narrateur est alors semblable au sultan à qui Scheherazade raconte des histoires toute la nuit durant. Mais à la différence des mille et une nuits, c'est le sultan, et non la conteuse, qui est maintenu en vie par les récits. Rester avec celles et ceux qu'on aime, avec la vie elle-même, se fait donc par le biais de la parole, des phrases, des mots. Que l'on songe alors à ces fameuses phrases interminables de la recherche, à ces arabesques qui s'y déploient. N'est-ce pas également un moyen pour Proust de retarder l'abandon, le départ ? Départ, inattention du lecteur, abandon de la maîtresse, abandon de la mère, abandon de la vie elle-même. Écrire sans relâche, c'est tenter de gagner du temps face à la perte, face aux multiples pertes, la mort étant la perte ultime. Seule la littérature peut vaincre la mort et poser ses lèvres sur les tempes de la vie. Seule la littérature nous permet de survivre jusqu'au petit matin. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, plus maintenant. Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.